Je suis très très enchanté de représenter un cliché. Zoom gala, zoom bala, zoom. J'entre sur ce rythme de noir, mais ce n'est pas pour moi. C'est pour les noirs charbon, avec du sang algérien. El Amdoulila, seul le grand élu de la tribu, Babou Kaboulanka, sur ce beat posera, le maîtrisera en parlant avec ses grosses lèvres, avec un accent très caca, caricatural. Allez vas-y mon ami Kobundé, pose selon tes coutumes, comme si t'étais au Zimbabwe. Laisse parler ton côté sauvage, transforme-toi en babouin, je t'invoque selon tes rituels, maintenant entre dans la danse petit clampin. Ounga Ounga, je suis très très noir. Ma tribu est enchantée de poser des onomatopées. Zumba Zumba, j'ai mangé beaucoup de poids. Nous ignorons tout du comportement civilisé. Fouette-moi maître, ou fouette-moi, je ne suis pas sage. Une taquine te rêve encore du temps glorieux de l'esclavage. Ceci étant fait, je pars avec ma tribu m'alimenter. Nous mangeons de la boue et des poulets KFC. Zungala, zumbala, zgouf.